jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Liste des Bouts un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Liste des Bouts l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le Parti pour la démocratie et la réconciliation Sangwe-PADR appelle ses militants à voter pour le candidat du CNDD-FDD à l'élection présidentielle de mai prochain. Et la coalition Kira Burundi accuse la Commission électorale nationale indépendante de violer certaines dispositions dans l'analyse des dossiers de candidature. 6 personnes venues du Rwanda sont en quarantaine depuis ce dimanche dans un hôtel au chef-lieu de la province Kirundo. 9 autres ont passé la nuit sur la frontière de Gasenyi, commune Wusoni. Prévention contre la contamination au coronavirus oblige. Mais jusque ce matin, ils n'avaient pas encore eu à manger. Et puisque l'on en parle, le premier lot de matériel médical offert par le milliardaire chinois Jack Ma et cofondateur de la boutique en ligne Alibaba pour aider à combattre le coronavirus en Afrique est arrivé en Éthiopie ce dimanche. La distribution commence ce lundi. Je venais de vous le dire dans les titres, le Parti pour la démocratie et la réconciliation Sangwe-PADR appelle ses militants à voter pour le candidat du CNDD-FDD à l'élection présidentielle de mai prochain. Dans un communiqué de presse publié ce lundi, le président et représentant légal de ce parti s'est dit satisfait de la validation de toutes ces listes des candidats aux législatives et communales soumises à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Gaspard Nyirampeba demande à ses militants d'être des porte-flambeaux de la paix et de la stabilité durant cette période électorale. En résumé, le parti Sangwe-PADR est satisfait de la situation, mais continuera à donner sa part pour que la situation ne régresse. Nous en appelons à toute la population, particulièrement aux leaders politiques, ceux qui vont se faire élire à tous les niveaux, de tenir un langage qui rassemble et qui ne divise pas. Au cas où il arrivait qu'il y ait quelqu'un parmi les candidats qui fait un écart de langage, je crois que toutes les dispositions sont prises. Les partis eux-mêmes ont signé un code de conduite. Donc, cette personne qui voudra perturber de quelque manière que ce soit se verra infligée par la rigueur de la loi. S'agissant des élections présidentielles, le parti Sangwe-PADR voudrait annoncer sans embarras, tant à l'opinion nationale qu'internationale, que son choix a porté sur le candidat du CNDD-FDD, le général-major Évariste Ndayishimiye. Il demande en conséquence aux indépendants membres du parti Sangwe-PADR de donner leur voix à ce candidat du CNDD-FDD dont les objectifs de développement intégral du pays rencontrent largement ceux du parti Sangwe-PADR. Gaspard Nyirampeba, représentant et président du représentant légal et président du parti Sangwe-PADR. Et la coalition Kira Burundi accuse la Commission électorale nationale indépendante de violer certaines dispositions relatives à l'analyse des dossiers de candidature. Dans une conférence de presse ce lundi, le président de cette coalition a déploré que les dossiers de candidature aux législatives et aux communales de cette coalition remplissaient toutes les conditions, mais qu'aucun n'a été accepté. Pour Aloïse Barichako, les raisons de refus des dossiers de cette coalition ne sont pas fondées. Obani Yohuru. Selon le président de la coalition Kira Burundi, la CENI a accusé cette coalition de manque de prérogatives des personnes ayant déposé des dossiers aux législatives et aux communales, ce qui est contre la loi, précise Aloïse Barichako. Après avoir demandé au ministre de l'Intérieur que la coalition Kira Burundi est légale et reconnue, et que le ministère de l'Intérieur lui répond que la coalition Burundi est en ordre parce qu'il a déposé tous les documents exigé par la loi sur les partis politiques en son article 8 et que par conséquent, elle est en ordre. Le 17 mars, la CENI nous écrit une lettre qui nous demande de lui préciser les partis auxquels appartiennent les personnes constituant les listes que nous avons présentées. Tous ces éléments avaient été donnés par le ministère de l'Intérieur. Nous avons répondu et n'avons pas compris, après tout cela, comment la CENI a rejeté nos listes, alors que nos listes n'avaient aucune reproche quant au respect des documents exigés par la CENI. Sur l'accusation relative aux indépendants ou aux anciens membres de l'UPRONA qui seraient sur les listes de cette coalition, le président de cette coalition indique qu'il n'y aurait aucune violation non plus de la loi. Nulle part est écrit le parti au sein duquel proviennent les membres qui sont sur cette liste. Aussi sur cette liste, des documents à fournir n'y a pas non plus. Il faut donner une carte de membre pour dire que peut-être la CENI aurait eu des doutes sur nos personnes parce qu'ils n'ont pas déposé la carte de membre. Cet homme politique accuse aussi d'ingérence certains administratifs dans le travail des commissions électorales provinciales dans certaines provinces. Entendre qu'un gouverneur peut demander au président d'une CPI quelconque de ne pas analyser les dossiers d'un parti politique ou d'un candidat, c'est une aberration, c'est une situation qu'on ne peut pas comprendre, qui n'a même pas de qualification. Bien que cette coalition déplore ce que les qualifie d'injustice, Aloïse Barichako fait savoir qu'ils vont poursuivre tout le processus électoral jusqu'au bout. C'était Aloïse Barichako. Il représente la coalition Kira Burundi. Vous saurez que le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a promis à la radio Isanganiro de se fixer un rendez-vous pour que cette commission donne des éclaircissements. Et puisqu'on parle élections, sachez que les médias sont appelés aussi à commencer l'éducation électorale et à éviter la manipulation par les politiques. Et c'est un appel du ministre de la Communication et des Médias, selon Di Amaro, lors d'un atelier de renforcement des capacités des journalistes pour la couverture médiatique des élections de 2020. Selon le ministre Frédéric Nahimana, les journalistes doivent suivre après les élections la mise en application des projets présentés à la population par les candidats lors de la campagne électorale. On l'écoute. Tout un chacun sait que le Burundi se prépare aux élections prévues dès le mois de mai 2020. Vous savez également, vous journalistes, votre rôle indéniable lors des élections. C'est à vous qu'incombe la responsabilité de faire la lumière sur le déroulement du processus. Vous êtes des témoins infaillibles. Vous serez félicités pour la réussite de ce processus électoral. Vous serez également tenu pour responsable si vous failliriez à votre mission. Nous vous demandons aussi de défendre les droits de tous les acteurs politiques, de la population, des partis politiques, en donnant l'information à chaque étape du processus. Avant les élections, nous vous demandons de former la population sur les programmes de tous les compétiteurs pour que la population en soit informée et choisisse les meilleurs pour elle. Ne les forcez pas à voter les programmes que vous aimez. Essayez d'éviter de répandre les rumeurs et le commérage. Après les élections, vous devriez veiller et suivre bien que ceux qui auront gagné mettront en application les programmes mis en avant lors des propagandes. C'était le ministre de la Communication, Frédéric Nahimana, traduit par Armel Moutori. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 6 personnes venues du Rwanda ce dimanche viennent de passer leur première nuit dans un hôtel situé au chef-lieu de la province Kirundo pour la prévention contre la propagation du coronavirus. D'autres s'estimant au nombre de 9 ont passé la nuit à la frontière de Gasenyi en commune de Busoni. Le médecin provincial de Kirundo signale qu'ils seront pris en charge pendant 14 jours avant d'être acheminés dans leur propre famille. Jusqu'à la matinée de ce lundi, néanmoins, ils n'avaient rien reçu comme nourriture. Correspondance Abraham Safari. 6 personnes burundaises, dont un homme, 4 femmes et un enfant qui étaient venus du Rwanda ce dimanche matin, ont été embarquées hier soir dans une ambulance à destination de l'hôtel situé au chef-lieu de la province de Kirundo. Cette mesure a été prise, comme nous l'a signalé le médecin provincial de la santé, Dr Louis Nzitunga, dans l'objectif de la prévention de la propagation du coronavirus qui se parle au Rwanda. Selon les informations qui nous sont parvenues par ce responsable de la santé, après avoir entendu qu'il y a des gens qui sont venus du du Rwanda. Ils ont dépêché ce véhicule à destination du centre de Kirundo et le reste de leur subsistance sera à leur charge, c'est-à-dire la nourriture et le paiement de l'hôtel pour le séjour de quarantaine. Lorsque nous sommes arrivés tout près de cet hôtel, nous y avons trouvé des policiers qui veillent à ce qu'ils ne sortent pas ou qu'ils ne font pas des contacts avec des gens de l'extérieur. Nous avons essayé de parler avec eux à distance. Ils nous ont signalé qu'ils n'ont rien à manger depuis hier et qu'ils n'auront pas de moyens pour tenir jusqu'à 14 jours, comme c'est prévu, avant qu'ils soient acheminés chez eux, du moins pour ceux qui ne présenteront pas des symptômes de coronavirus. Ici, le médecin provincial, Louis Zitunga, nous a dit qu'ils ont échangé cette question avec le gouverneur de la province de Kirundo concernant la nourriture et ils se sont convenus qu'ils vont chercher en particulier pour les fournir de quoi manger. D'autres informations issues de la part de l'administrateur de la commune de Busoni, Albert Hatungimana, nous ont fait savoir que 9 autres personnes venues du Rwanda le soir de ce dimanche ont passé la nuit à la frontière. Jusqu'ici, tous ces deux groupes ont passé par la voie légale et l'administrateur de la commune de Busoni demande la vigilance de la population qui habite tout près du Rwanda à veiller à ce qu'il n'y ait pas des gens qui entrent sans passer par la frontière pour être testés de leur état de santé. Nous avons cherché à savoir si ces 9 personnes venues après le premier groupe, s'ils vont rejoindre les autres dans un hôtel ou s'ils seront mis ailleurs, mais le gouverneur de la province nous a répondu qu'il est dans une réunion. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari et nous vous proposons un reportage sur la disponibilité de l'eau et du savon dans différents lieux publics, notamment les écoles et les parkings des bus. Et certains responsables de ces lieux précisent que c'est pour répondre à l'appel du ministère de la Santé publique de se prévenir contre le coronavirus. Mais on observe néanmoins certains autres endroits où ces mesures d'hygiène ne sont pas respectées. Le constat d'Orné Ramucho. Devant différents lieux publics, comme au lycée du lac Tanganyika, c'est en zone Buyenzi, à mairie de Bujumbura, il y a des robinets à l'entrée de ce lycée. Les élèves rencontrés révèlent que ces robinets ont été mis en place depuis que l'on a parlé de la propagation du coronavirus dans différents pays du monde entier. Même constat à l'école Saint-Michel-Archange de la zone Bwiza, où sœur Denise Nizigimana, directrice de l'école primaire, précise que c'est dans l'intérêt de se prévenir contre la pandémie du coronavirus. Cette situation n'est pas observée au marché communément appelé Kotebu, situé en zone Gagara, lequel, aux différentes entrées, il n'y a ni eau ni savon. Certains commerçants trouvent qu'il est plutôt important de suivre les mesures d'hygiène recommandées et faites dans d'autres lieux publics. Au parking des bus, tout près de ce même marché, un des conducteurs des bus avance que même si les clients se lavent les mains avant d'entrer au bus, c'est toujours difficile pour d'autres trouver en cours de la route. Toujours en face de ce même marché, il y a un restaurant, mais le constat est qu'avant de montrer aux clients où se laver les mains, ils te montrent où t'asseoir. Ces mesures ont été recommandées par le ministère de la Santé publique comme meilleur moyen de se prévenir contre la pandémie du coronavirus. Merci, on est là. Le coronavirus, on en reparlera dans l'actualité internationale. Mais avant cela, tous les exploitants de minerais en général et de l'or en particulier, en commune de Tihinda de la province de Muyinga, doivent avoir des autorisations d'exploitation, faute de quoi ils s'exposent à des sanctions. Lors d'une réunion tenue vendredi dans cette commune, le ministre de l'Énergie et des Mines ainsi que le commissaire provincial de la police ont mis en garde ces exploitants. Le gouverneur de la dite province demande des copies des déclarations de quantité d'or produite. Les détails avec Mireille Kanyang. Pour éviter toute fraude dans l'exploitation et la vente de l'or, Aline Manirabarusha, gouverneur de la province Muyinga, demande que les copies des déclarations lui soient montrées. Dans une réunion de vendredi à Masaka, en commune Butihinda de cette province, Jérôme Nibibogora, commissaire provincial de la police, a mis en garde tout exploitant sans autorisation. L'objectif, je l'ai entendu. Toutes les productions doivent être acheminées à la BRB. Qu'on s'entende. Si vous dites que celui qui exporte frauduleusement doit être considéré comme l'ennemi de la nation, même si c'est une petite quantité, nous savons comment le traiter. Il y avait beaucoup de questions dans ce secteur. Mining et les coopératives, nous avons entendu que les productions vont à la BRB. C'est transparent. Gala, celui qui travaille en dehors du périmètre sans autorisation, il sera arrêté. Au ministre de l'Énergie et Mines, comme Manirakiza, de rappeler que la fraude et l'exploitation sans autorisation ont conduit à la fermeture des sites d'exploitation des mines et carrières pendant 3 mois. On ne vend aucune quantité qui ne soit canalisée vers la banque centrale où nous attendons des devises. Il y a des gens qui cherchent des minerais sans autorisation. Vous les exploitants de Buyinga, vous souviendrez-vous de la décision de fermeture prise par le numéro 1 Burundi pendant 3 mois? Je ne vous le souhaite pas encore une fois. Celui qui travaille sans autorisation s'est ramaté. Je le demanderai aux autorités provinciales. Une telle décision avait été prise en octobre 2018. Merci, Mireille Kanyang. La formation Vital OFC s'est inclinée par 2-0 face à Atlético Academy lors de la 26e journée du championnat national de la première division dénommée Primus League. Le match qui était beaucoup attendu par les amateurs du ballon rond est celui qui a opposé Messaje Ngozi, premier du classement, et Musongati FC qui occupe la deuxième place. Ce match s'est soldé sur un score paritaire d'un but partout. L'équipe d'Ngozi City, déjà reléguée en deuxième division, a battu l'Idia Ludique par 1-0. Messaje Ngozi vient toujours en tête du classement provisoire avec 54 points, alors que la dernière place est actuellement occupée par la formation Les Lières avec 20 points. Et on parle toujours du sport dans la chronique sportive. Et là, c'est pour parler du karaté. Radio Isanganiro, chronique sport. Le karaté au Burundi est un sport où la ceinture noire est uniquement donnée par la Fédération burundaise de karaté au moment où les autres sont attribués dans leurs clubs respectifs. Cette précision est donnée par le président de la commission chargée de l'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de karaté. Réverien Vanzendore fait savoir qu'un karatéka détenteur d'une ceinture a le droit de participer aux différentes compétitions. Les détails dans cette chronique sportive de Fidel d'Antoine Sabumana. Les différentes ceintures dans le sport de karaté sont données dans le club, sauf la ceinture de couleur noire qui est octroyée par la Fédération burundaise de karaté. C'est l'explication de Réverien Banzendore, président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de karaté. Ici au Burundi, dans la Fédération burundaise de karaté, c'est la direction technique nationale de karaté qui est chargée de la préparation des examens et de ceinture noire. Cette direction met en place une commission qu'on appelle commission de grade, et cette commission même qui devient gérée pendant les examens de grade ou de dan. Au Burundi, de la ceinture jaune jusqu'à la ceinture marron, les évaluations se font dans les clubs. C'est le staff qui dirige le club qui est chargé de la préparation et de l'attribution de ces grades-là. Mais à partir de la ceinture noire, premier dan, c'est là où ça devient fédéral et c'est la fédération qui est chargée de l'attribution de ces grades. Réverien Banzendode fait savoir qu'un détenteur d'une ceinture de karaté a le droit de participer dans les différentes compétitions et d'intervenir dans le camp de l'insécurité. Réverien Banzendode ajoute que le karaté est un moyen d'autodéfense efficace en cas d'attaque en général. Le karaté a des valeurs. On nous dit qu'au karaté, il ne faut jamais frapper le premier. Pour dire qu'on ne peut pas aller dans la rue et attaquer n'importe qui. On nous dit même que même si tu es attaqué, qu'il ne faut pas encore donner des coups à celui qui est attaqué, sauf seulement en cas de self-défense. Si tu es attaqué par des bandits, par d'autres malfaiteurs, c'est là où le karaté peut t'aider à te défendre. Pour les femmes et filles, ce sport peut aider lors d'une attaque visant le viol. Si une femme ou une fille a déjà passé des ceintures, c'est-à-dire qu'elle a de l'expérience dans la pratique du karaté, dans le monde, il y a des violences sexuelles, qu'il y a des gens qui font des violences à l'encontre des femmes et des filles dans les rues. La fille ou la femme qui est attaquée peut se défendre et puis peut empêcher ces violeurs qui avaient l'intention de violer les femmes et les filles. Et ça peut donc s'en sortir de la situation. Le chargé de la commission d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de karaté précise que le risque en détenteur d'une ceinture de karaté viole les lois régissant ce sport, il est puni conformément à la loi, y compris la suspension définitive. Fidèle d'Antoine Nsayumana, et pour boucler ce journal, de nouvelles brèves en international. Le premier lot de matériel médical offert par le milliardaire chinois Jacques Ma et le cofondateur de la boutique en ligne Alibaba pour aider à combattre le coronavirus en Afrique est arrivé en Éthiopie ce dimanche. Il comprend 1,1 million de kits de dépistage, 6 millions de masques faciaux et 60 000 combinaisons de protection. L'aide sera distribuée à partir de ce lundi. signalant que 1000 cas ont été confirmés par le centre de contrôle des maladies. Et en Guinée-Conakry, près de 5 millions de Guinéens étaient appelés aux urnes ce dimanche 22 mars pour un double scrutin rassemblant les législatives et un référendum constitutionnel contesté par la société civile et l'opposition qui a appelé au boycott mais qui a été maintenu par les autorités. Amnesty International, l'Union Européenne et même l'ONU ont fait part de leur inquiétude en amont d'un scrutin qui se déroule sans les observateurs internationaux de l'OIF, de la CEDEAO et de l'Union africaine qui se sont retirés du processus. L'Europe, hors du double scrutin, n'ayant pas été mise à profit pour réintégrer l'opposition. Il n'y a par ailleurs pas de réseaux sociaux non plus depuis samedi soir. Facebook et Twitter sont inaccessibles sans VPN. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Charles Makoto pour la réalisation. Ce journal a été mis en onde par Séraphine Hakizimana. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.